بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه المنتقى لفوليوم نميرو 2 page 367 c'est un recueil des fatawa de Cheikh الفوزان حفظه الله تعالى. Il lui pose la question: ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر؟ أي celui qui n'a pas été informé que c'était le mois de Ramadan. On qadr matalan que aujourd'hui c'était Ramadan. Et un musulman ou une muslima, il ne savait pas. Et matalan à 9h du matin, 10h du matin, 11h du matin, ils apprennent que le mois de Ramadan il a commencé. Et ce jour on doit le jeûner. Enfin, ce musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, il pensait qu'on était encore au mois de Sha'ban. Lakin, le mois de Ramadan, il a commencé, il n'était pas au courant. À notre époque, في الحقيقة, cette situation elle est assez rare. لماذا? On vit à une époque avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec le téléphone, ça va très très vite. Quand le mois de Ramadan il commence, un pays musulman il voit l'hilal, la lune, le croissant de lune. Enfin, ça va très très vite les informations à notre époque. Lakin, ça peut arriver. Ça peut arriver dans certains cas. مثلاً, واحد, il dort assez tôt. Il dort مثلاً, directement après l'Isha, il est fatigué. Et il se réveille le matin et il croise personne. Mohim, le jour il se lève et il a mangé, il pense que c'est pas encore Ramadan. Ça peut arriver. Awahed, il travaille de nuit, matin directement après le Maghrib ou après l'Isha, et il rentre au Fajr et il dort. Et il n'a pas fait attention, il n'a pas allumé son téléphone, il n'a parlé avec personne. Et il se lève, il mange et il pense que c'est pas encore Ramadan. Donc ça peut arriver dans certains cas. Qala Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإمساك بقية يومه. Première chose, si ça arrive à quelqu'un, il doit arrêter de manger et boire et de faire tout ce qui est interdit pour le jeûneur. S'il est informé مثلا à 10h du matin, il arrête à 10h et il jeûne de 10h jusqu'au maghrib. Ça c'est la première chose. قال ويقضي هذا اليوم. Et il rattrape ce jour. قال لأنه لم يصمه كاملا. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jeûné ce jour complètement. حيث إنه لم ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. نعم. لأن الأعمال والنيات, la condition de chaque œuvre, chaque acte, chaque adoration, c'est l'intention. Et هذا, il n'a pas mis l'intention, il a mis l'intention bien après. Donc, مثلا, si on قدر, il a commencé de jeûner à 10h du matin, parce qu'il ne savait pas. Donc, du Fajr, si on dit que le Fajr c'est à 5h du matin, de 5h du matin jusqu'à 10h du matin, il n'avait pas l'intention de jeûner. Et il a mangé. Donc, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, yaqul, annahu, il rattrape ce jour. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam, la siyam liman lam yajma' as-sawm min al-layl, ou kama ja'a. Na'am, certains ahadith, anna la bud min an-niyya. Ala kulli hal, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, yaqul, donc, de s'abstenir le reste de la journée, ne pas manger, ne pas boire, etc. Et de rattraper ce jour. Al-mas'ala, sur le fait de rattraper, fiha khilaf. Amma, le fait de ne pas manger, hada, c'est clair. Pourquoi? Parce que ce jour, il fait partie du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, le musulman, il n'a pas le droit de manger, boire, avoir des rapports avec sa femme, etc. Min tolou' al-fajr jusqu'à wurub al-shams. Du fajr jusqu'au coucher du soleil. C'est un moment où on n'a pas le droit de faire ces choses. Sauf bien sûr celui qui a une excuse, le malade, le voyageur. Enfin, quand l'insan, le musulman, il sait amma, ce qu'il a fait au départ, la moitié de journée ou les heures qu'il a manqué, il est excusé. La yukalifullahu nafsan la wus'aha. C'était au-dessus de ses capacités, il ne savait pas. Il n'a pas mangé volontairement. Ala kulli hal, la partie de la journée qui manque, il doit s'abstenir. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on doit s'abstenir. Certains savants, ils ont dit, il faut rattraper ce jour. Parmi eux, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, c'est l'avis de la plupart des savants. D'autres savants, ils ont dit, il n'a pas rattrapé ce jour. Pourquoi? Parce que il n'a pas mangé volontairement et il a fait son obligation à partir du moment où il savait. Et le musulman, il est concerné par l'obligation à partir du moment où qui sait. Donc certains savants, ils ont dit, il n'a pas rattrapé. Parmi eux, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, قبله الإمام ابن تيمية رحمه الله avant eux l'imam Ibn Hazm il a choisi ce qawl kadhalik. Et ils se sont basés sur hadith Ashura, hadith Salama ibn al-Akwa, ou Ar-Rubay' bint Mu'awwid et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in, annahum fi siyam Ashura. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. تأمل الحديث. الحديث pour bien comprendre وجه الاستدلال أي pourquoi مثلا الإمام ابن تيمية الإمام الشوكاني ils ont cité ce hadith pour argumenter qu'on n'avait pas rattrapé ce jour même si on a manqué une partie involontairement parce qu'on ne savait pas. لأن الحديث il est في par rapport à يوم عاشورا. عاشورا c'est le dixième de Muharram. Et Ashura, au départ, il était obligatoire. Au départ, il était obligatoire. Et avant que le mois de Ramadan il devienne obligatoire, le jour du mois de Ashura, il était obligatoire. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من أصبح صائما فليتم. C'était obligatoire. Il leur a dit, celui qui a commencé le jeûne, qu'il jeûne. Il finisse. قال ومن أصبح مفطرا. Et celui qui n'a pas commencé le jeûne, et qui a mangé, qui ne jeûnait pas, فَلْيُتِمْ بَقِيَةِ يَوْمِ qu'il finisse son jour. Il arrête de manger et qu'il finisse le jour. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura pas ordonné de refaire ce jour obligatoire. Alors, certains savants, ils ont pris هذا القول, c'est un قول قوي, c'est pour ça qu'on l'a cité. Et ils ont dit, ce n'est pas la peine de le rattraper. Vu que le khilaf, il est très قوي, très fort dans ce sujet, dans cette question, بعض العلماء conseille, et c'est un قول طيب, de le rattraper. Il y en a, tu ne paies rien ces 15 jours. Même si l'avis qu'il ne faut pas le rattraper, il est qawi, il est très très fort. Lakin, l'autre avis kadhalik, il est qawi. Limada li annahu il a pas mis la niya depuis le départ, il a manqué une partie. Même s'il est excusé, il ne savait pas, le rattraper, tu ne perds rien. Donc, al-qawl alladhi yadhhar et que certains savants ils ont choisi, c'est de le rattraper. Imma pour certains, obligatoirement, comme c'est l'avis de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, imma comme d'autres, ils disent mimbab l'ihtiyat, par précaution. C'est un jour et tu ne paies rien. Si c'était pour combler ton obligation, alhamdulillah, si ton obligation est acceptée, ça sera un jour en plus. Walillahi alhamd. Naktafi bihada. Et nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. On a cité la référence Al-Muntaqa de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala.